suis fatiguée. Renouvelle-moi, car mes forces m'abandonnent. Fortifie-moi, Père. Je suis fatiguée. Ma vie m'épuise, les soucis m'épuisent. J'ai trop de défis, fortifie-moi. Ma vie m'épuise, les soucis m'épuisent. Fortifie-moi, Père, je suis fatiguée. Mes challenges me chargent.